Chapitre 8e, Fanta, Orange et Bouddha Blue. Le convoi avançait lentement sur le chemin de terre, bordé de talus tapissés de mousse et de fougères. La forêt, dense et vibrante, semblait presque vivante, comme si elle observait silencieusement cette procession inhabituelle. Les chênes et les hêtres, dressés tels les piliers d'une cathédrale végétale, formaient une voûte protectrice au-dessus des véhicules, tamisant la lumière automnale en un jeu subtil d'ombres mouvantes. Un écureuil furtif bondit d'une branche à l'autre, tandis que le martèlement régulier d'un piquet-pêche résonnait dans l'air, comme un signal annonciateur. Puis soudain, la forêt s'ouvrit, laissant apparaître une trouée baignée de lumière. Au centre, la métairie rénovée s'est dévoilée dans toute sa simplicité élégante. Les murs de pierre, débarrassés de leur manteau de lierre, avaient retrouvé leur allure robuste, et les toitures patinées par le temps ajoutaient au lieu un charme rustique. Mais le véritable point focal était l'étable fraîchement restaurée, trônant comme le cœur battant de ce complexe discret. À ses côtés, d'autres bâtiments, un ancien fournil et une grange habilement transformée, témoignaient d'un détournement ingénieux, mêlant respect du passé et fonctions nouvelles. Les lieux, autrefois endormis, se dévoilait imprégné d'une effervescence inattendue. Ce lieu, empreint d'un passé agricole, tenait désormais davantage de la microbrasserie artisanale. Les pierres anciennes, caressées par la lumière du soleil, portaient encore les marques du temps, mais l'activité qui animait la cour témoignait d'une métamorphose audacieuse, aussi ambitieuse que périlleuse. Les véhicules progressaient prudemment, soulevant une fine poussière qui se mêlait aux senteurs humides de la terre et des feuilles en décomposition. En tête, une vieille camionnette blanche, cabossée mais fiable, franchissait les ornières avec un bruit de suspension grinçante. Derrière, une Audi RS3 et une BMW X5, incongrues dans ce cadre rural, roulaient au pas, leur moteur grondant sourdement. Victor Davron attendait devant l'étable, les mains dans les poches, son regard attentif balayait le convoi qui arrivait. À ses côtés, Mathieu Taburet mâchonnait un chewing-gum en ajustant ses gants de travail. Mathieu, bricoleur astucieux, avait orchestré les transformations physiques des lieux. Il avait installé des conduits d'air dissimulés pour le laboratoire, renforcé les murs pour les rendre insonorisés et aménagé l'espace pour maximiser l'efficacité tout en dissimulant leurs activités. Non loin, Mathias Taburin vérifiait une liste dans son carnet, son visage concentré. Plus méthodique que son frère, il avait planifié chaque étape, calculé les volumes d'extraction, concevoir un circuit discret pour l'électricité et l'eau, et établir un système de compartimentage pour sécuriser les différentes zones d'activité. Il était également le garant du secret, veillant à ce que personne, en dehors de leur cercle restreint, ne soupçonne la véritable nature de ses travaux. Les portières des SUV claquèrent en cadence, et un groupe émergea avec une énergie maîtrisée. Outre les chefs, deux gardes du corps imposants, se postèrent immédiatement près de chaque véhicule, immobiles et vigilants. Leur stature massive et leur regard perçant donnaient l'impression qu'aucun détail ne leur échappait. Derrière eux, les autres membres du groupe avançaient avec une assurance presque chorégraphiée, comme s'ils dominaient chaque mètre carré du terrain qu'ils foulaient. Leur jogging griffé semblait taillé sur mesure, leur basket dernier cri brillait sous la lumière et leur casquette, ajustée au millimètre, ajoutait une touche de défi à leur allure. À leur passage, les regards s'attardaient. Ce n'était pas un simple groupe, mais une véritable présence, une unité, où chaque détail était soigneusement calculé. Ils incarnaient l'essence même de la jeunesse lacostéenne, ce style reconnaissable qui associait les emblématiques marques Lacoste et Nike, avec en figure de proue les fameuses Air Maxtéennes. À cela s'ajoutaient leur jogging impeccable, leur sacoche en bandoulière et leur casquette soigneusement ajustée. Mais il ne s'agissait pas simplement de mode, c'était une véritable déclaration, un uniforme urbain qui parlait de territoire, de code et surtout de respect. Même leur coiffure portait une signification, dégradé précis, contour taillé au millimètre et parfois des mèches ondulées, révélant un soin du détail presque artistique. Tout en eux, de leur apparence calculée à leur démarche assurée, semblait conçu pour impressionner, pour imposer leur présence et marquer les esprits. Ils avançaient comme une meute, porteurs d'une énergie à la fois brute et maîtrisée, une puissance subtile mais indéniable. Il y avait dans leur allure une sophistication discrète, une fierté ancrée dans leur identité. Ce style n'était pas qu'un simple choix vestimentaire. C'était une manière de se tenir face au monde, une revendication silencieuse mais intense, qui ne laissait personne indifférent. Victor descendit les quelques marches de pierre pour les accueillir. « Messieurs, bienvenue dans mon petit coin de paradis. Et le travail ?» dit-il en tendant la main avec un sourire goguenard face à l'aura imposante des nouveaux arrivants. Mathieu, un pied posé sur une brouette, lança avec un clin d'œil « Pas encore un labo de chair liquide, mais on s'en approche. Donnez-nous encore quelques mois et vous ne reconnaîtrez plus du tout l'endroit. » Mathias, sans lever les yeux de ses notes, ajouta d'un ton calme « Chaque bâtiment a été inspecté et sécurisé. Il reste des ajustements à faire, mais l'essentiel est prêt pour démarrer ce qu'on a prévu. » Victor acquiesça, les bras croisés, observant la scène avec satisfaction. Ce lieu, qu'il avait imaginé comme une base d'opération, prenait enfin forme. Le passé agricole de la métairie s'effaçait peu à peu pour laisser place à un projet ambitieux, un lieu hybride mêlant modernité et tradition. En tête, Yacine s'avança avec un sourire éclatant, l'assurance de l'aîné qui cherchait toujours à marquer son territoire. Plus âgé que Victor, il jouait volontiers les grands frères protecteurs et tendit une main énergique. « Frérot, t'es assuré comme un pro !» lança-t-il, son regard glissant sur les tables réaménagées avec une admiration sincère. « Sérieux, j'avais des doutes quand tu parlais de ton plan, mais là, respect !» Victor esquissa un sourire modeste. « Ce n'est pas encore parfait, mais ça devrait suffire pour lancer la production. » Le reste de la bande s'approcha à son tour. Le premier à se distinguer fut François-Xavier Charançais, plus connu sous le sobriquet de Fix. Grand échalas à l'élégance nonchalante, sa chemise immaculée semblait une déclaration de guerre à la rudesse des lieux. Sa silhouette longiligne, ses cheveux soigneusement disciplinés et son parfum discret mais raffiné trahissaient un homme issu d'un tout autre monde. Fix venait d'Auteuil, le berceau des grandes familles bourgeoises parisiennes, où l'art de la distinction s'apprend dès le berceau. Il incarnait l'archétype du délinquant en col blanc, naviguant avec une aisance presque insolente entre les sphères respectables et l'ombre des affaires illicites. Fin stratège et calculateur, il s'était rapidement imposé comme le cerveau financier du groupe. Fix n'avait pas besoin de menacer ou de manipuler brutalement pour obtenir ce qu'il voulait. Il le faisait par des signatures, des chiffres et une intelligence froide. Son rôle était clair, rendre l'illégal invisible. Grâce à un arsenal de falsifications minutieuses, il transformait les achats de produits chimiques douteux en transactions parfaitement anodines. Factures, bons de commande, documents de transport, tout passait entre ses mains et ressortait méticuleusement épuré, sans le moindre soupçon d'irrégularité. À ses yeux, chaque détail comptait. C'était un perfectionniste qui voyait dans la fraude un art et dans les lois des obstacles à contourner avec élégance. Fix observa les installations avec un sourcil légèrement levé, une attitude mêlant scepticisme et curiosité. « Alors, c'est ça ton laboratoire, Victor ? » demanda-t-il. Victor descendit les marches de l'étable pour les accueillir. « Messieurs, bienvenue. Ce n'est peut-être pas un palace, mais ça fera l'affaire. Donnez-nous encore quelques semaines et ce sera une vraie machine à cash. » Les visiteurs échangeaient des regards approbateurs en découvrant les lieux. Victor leur fit signe de le suivre à travers la cour. Commençons par les tables. À l'intérieur, le lieu avait été métamorphosé. Les bottes de foin avaient laissé place à un laboratoire clandestin impeccablement organisé. Des tables en inox accueillaient des équipements de chimie, alambics, récipients hermétiques et autres ustensiles spécialisés dans la production de méthamphétamine. Des conduits d'aération, soigneusement dissimulé dans la charpente, assurait une circulation d'air discrète mais efficace. Victor désigna les installations. Tout ici est fonctionnel et sécurisé. On a veillé à l'aération et à la résistance des structures. Aucune odeur suspecte ne s'échappera. Pas mal, hein ? répondit Yacine avant même que Victor n'ouvre la bouche. Derrière Fix, Moulou traînait les pieds, scrutant les alentours avec une méfiance non dissimulée. Colosse originaire de Seine-Saint-Denis, il avait rejoint l'équipe grâce à Yacine, qu'il avait autrefois protégé comme garde du corps improvisé durant leurs années de collège. Bien qu'il ne fût pas chimiste, Mouloud occupait une place essentielle dans le fonctionnement du groupe. Son réseau discret d'épiceries, de kebabs et de laveries, contrôlé par une mafia marocaine, assurait l'approvisionnement en substances et matériel nécessaires toujours avec une efficacité redoutable. « Sérieux, je m'attendais à une vieille marmite sur un feu de bois, » lança-t-il en s'approchant d'une cuve étincelante. « Mais là, on dirait carrément une usine. » Victor esquissa un sourire, une pointe d'ironie dans le regard. « Parce que c'est une usine, enfin, une usine artisanale. » Mathieu, accroupi près d'un coin de l'étable, releva la tête, l'air légèrement offensé. « Et en plus, elle tient debout. J'ai bossé des semaines pour ça, » intervint-il, croisant les bras avec fierté. Mouloud s'approcha de la cuve, un sourcil froncé. Il tendit la main pour la tapoter prudemment du bout des doigts, comme si elle risquait de réagir à son contact. « T'es sûr que ce machin va pas péter si je tousse trop fort à côté ?» demanda-t-il avec un mélange d'humour et de crainte. Victor soupira en secouant légèrement la tête. « Ce machin, comme tu dis, c'est une cuve en acier inoxydable de haute qualité. Elle pourrait supporter une explosion de gaz. Bon, dans certaines limites. Alors évite de fumer à côté. » Yacine éclata de rire et tapa Mouloud sur l'épaule avec force. « Fais pas ton stressé, Magle, mon pote. Si Victor dit que ça tient, c'est que ça tient. Le gars, il a pas fait le MIT pour rien. » Un éclat de rire détourna soudain leur attention. Mouloud, toujours curieux et peu attentif, tenait un flacon rouge translucide qu'il faisait tourner sous la lumière artificielle. « Hé, c'est du Fanta ou quoi? Ça donne soif, votre truc » lança-t-il avec un sourire goguenard, secouant doucement le récipient. Victor, alerté, pivota brusquement, son regard s'assombrissant instantanément. « Mouloud, repose ça tout de suite, c'est pas du Fanta, c'est de l'acétone !» Mouloud, blême, reposa précipitamment le flacon sur une table métallique, levant les mains en signe de reddition. « Eh ben, faut prévenir, j'allais presque y goûter » marmonna-t-il, visiblement embarrassé. Fixe éclata de rire, brisant la tension. « Sérieux, co, frérot, t'es irrécupérable !» éructa Yacine. « Heureusement qu'il t'a stoppé, sinon tu aurais fini par nous faire sauter le labo avec tes conneries !» Victor passa une main sur son visage, luttant pour ne pas sourire. « Écoutez-moi bien, les gars. Ici, rien n'est comestible, pas de blague. Et surtout, pas de dégustation improvisée, compris ?» Mouloud hocha la tête avec un sourire contrit, tandis que Fix continuait de rire en se tapant les cuisses. Fix, reprenant un ton plus sérieux, balaya les équipements du regard, observant d'un œil critique les étagères remplies de flacons, les ordinateurs alignés sur une table et le tableau blanc couvert de calculs. « Impressionnant !» lâcha-t-il enfin. « Mais j'espère que t'as bien géré la ventilation. Entre le fentanyl et le boudablou, une mauvaise extraction et boum, vous finissez en confetti. » Victor croisa les bras, un sourire narquois aux lèvres. « Fix, tu crois vraiment que je prendrais ce genre de risque? Regarde !» Il désigna les conduits métalliques suspendus au plafond. Ce système est tellement efficace que l'air des Alpes en est jaloux. Mathieu, un sourire fier aux lèvres, ajouta. « Et on a même une porte blindée récupérée dans l'ancienne armurerie du château. » Il tapota la porte massive, robuste au point de défier une attaque de bélier. Victor guida ensuite le groupe vers l'ancien fournil. L'atmosphère y était différente. Des tables recouvertes de plaques métalliques servaient à extraire les trichomes des fleurs et feuilles de cannabis. De gros tamis et des presses artisanales complétaient l'installation, tandis qu'une balance industrielle l'attendait dans un coin. « C'est ici qu'on transforme les fleurs en résine, » expliqua Victor. « On récupère les trichomes et on les compresse en bloc prêt à l'expédition. » Enfin, Victor les conduisit vers l'ancien séchoir. L'ancienne grange avait été transformée en un espace fonctionnel. Des feuilles de cannabis, suspendues sur des treillis métalliques, s'étalaient dans une semi-obscurité. Un système de ventilation discrète maintenait l'air en circulation, diffusant une odeur subtile et caractéristique. « Les feuilles passent ici pour sécher avant d'être transformées, » expliqua Victor d'un ton posé. Mathias, fidèle à son calme analytique, s'avança légèrement, scrutant les installations avant d'ajouter « Les systèmes sont modulables. Si vous voulez augmenter les volumes, on pourra s'adapter, mais pour l'instant, tout est optimisé pour garantir discrétion et efficacité. » Fix hocha la tête, visiblement impressionné. « Pas mal. Vous avez pensé à tout, » admit-il, une pointe d'admiration dans la voix. Victor se tourna vers la cour, un mélange de satisfaction et de gravité dans le regard. Ce lieu, qui portait encore les traces d'un passé modeste, était devenu une forteresse dissimulée, un laboratoire d'ambition à la fois dangereuse et ingénieuse. Il esquissa un sourire léger, presque imperceptible, ses yeux brillant d'une fierté contenue. « Ce n'est que le début, » murmura-t-il, « comme une promesse. » Les visiteurs, impressionnés par ce tour du propriétaire, inspectèrent les lieux avec minutie. L'un d'eux hocha la tête avec un sourire satisfait. « Ça dépasse nos attentes. Vous avez fait du bon boulot. » Victor échangea un regard avec les frères Taburet. Ce n'était que le début, mais ils avaient franchi une étape cruciale. La métairie, autrefois simple vestige du passé, était devenue le cœur d'un projet à haut risque, un mélange audacieux de tradition et d'illégalité. Fix se frotta les mains, un éclat de convoitise brillant dans son regard. « Alors au boulot. Plus vite on lance la production, plus vite on encaisse. » Victor hocha la tête, mais son regard glissa un instant vers Mathieu et Mouloud. Compétent certes, mais il savait que tout reposait sur ses épaules. Yacine n'avait pas tort, ils allaient faire exploser les ventes. Reste à espérer que l'explosion ne serait pas à prendre au sens littéral. Avron fit un signe de tête vers Mathieu et Mouloud, tout en gardant un œil attentif sur la camionnette garée à l'entrée de l'entrepôt. « Prenez les cartons et commencez à déballer le matériel. Yacine et moi, on va finaliser les derniers détails. » Mathieu, déjà en train de rouler ses épaules pour se préparer au travail, se dirigea vers l'arrière de la camionnette et ouvrit les portes avec un grincement métallique. À l'intérieur, l'espace était rempli de cartons soigneusement empilés, de bonbonnes scellées et de petits bidons marqués d'étiquettes chimiques au nom cryptique. « Fais gaffe avec ça !» lança Mouloud en désignant une caisse au coin éraflé. « Si ça pète, on est tous bons pour finir dans la colonne des faits divers. » Mathieu haussa un sourcil. « Sérieux, t'as peur d'un peu de chimie, toi ?» Il attrapa la caisse avec précaution, mais on sentait qu'il se forçait à paraître détendu. Le carton semblait plus lourd qu'il ne l'avait prévu, et il laissa échapper un léger grognement en descendant du marchepied. Mouloud, plus agile, grimpa à l'intérieur du fourgon et commença à faire passer les bonbonnes une à une. « Tiens ça bien droit, je te dis » cria-t-il, alors que Mathieu manquait de faire basculer l'une des bonbonnes sur le sol bétonné. Victor, qui observait la scène à distance, ne put retenir un soupir. Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble sur des tâches similaires, mais leur coordination laissait encore à désirer. Il se tournait vers Yacine, esquissant un sourire ironique. « Voilà mes renforts. Ils valent pas tes troupes, mais ils font le job. » Yacine ricana, observant Mathieu qui peinait à poser une autre caisse sur le sol sans se casser le dos. « C'est sûr que t'as pas recruté dans une salle de sport. » « T'es sûr qu'ils vont pas clamser avant qu'on ait écoulé le premier lot ?» Avron ne répondit pas, reportant son attention sur la camionnette. Mathieu et Mouloud avaient maintenant entamé le déchargement des équipements de laboratoire. Un petit générateur, des tubes en verre soigneusement emballés et même un vieux chauffe-ballon dont la peinture était écaillée. Ces outils allaient bientôt transformer l'entrepôt en un laboratoire clandestin pleinement fonctionnel. « Va doucement avec ça !» lança Mouloud en descendant un carton rempli de sachets scellés. Il regarda autour de lui, les sourcils foncés. « On a bien un endroit sécurisé pour stocker tout ça. Je veux pas qu'on ait à tout remballer si ça sent mauvais. » Victor fit un geste vers une pièce attenante, une ancienne salle de stockage qui avait été aménagée pour servir de zone de préparation. « Tout va là-bas, » dit-il d'un ton direct. « Rangez bien et vérifiez que rien n'a été abîmé pendant le transport. » Mathieu grogna une réponse inaudible, entraînant un carton vers la porte, tandis que Mouloud, plus efficace, continuait d'organiser les bonbonnes. Leur manège ajoutait une tension discrète à l'atmosphère, une tension qui s'intensifiait à mesure que les outils du crime prenaient place dans cet entrepôt déjà chargé d'électricité. Victor tourna alors les talons, laissant ses deux comparses à leur travail. La lumière basse de l'entrepôt projetait des ombres vacillantes sur les murs délabrés, isolant presque la conversation du reste du monde. Il fit face à Yacine, sa posture droite, le regard calculateur. « On doit être clair sur les termes, » commença-t-il, d'un ton qui se voulait conciliant mais inflexible. « 60-40, c'est raisonnable. J'ai le produit, vous avez le réseau. » Yacine haussa un sourcil, l'ombre d'un sourire se dessinant sur son visage. Il s'adossa à une pile de cartons, croisant les bras. « Raisonnable, hein, t'appelles ça raisonnable ?» Son sourire s'élargit, mais son regard s'assombrit. « Franchement, Victor, t'as cru qu'on jouait à la marchande ? 60-40, c'est bon pour les bisounours. Moi, je parle de 70-30 et c'est déjà gentil. » Avron plissa les yeux, prêt à répliquer, mais Yacine leva un doigt pour le faire taire. Il se redressa, s'éloignant légèrement pour accentuer son discours. « Écoute-moi bien. T'as une idée de ce que ça coûte de faire tourner une machine comme la nôtre ? Ça, c'est pas une bande de petits dealers qui bicravent pour le fun. C'est une armée, frère. Une trentaine de gars minimum. Les guetteurs, les charbonneurs, les nourrices. Et je parle même pas de la logistique. Chaque paquet qui circule, c'est des risques qu'on prend. Et les risques, ça se paye. Yacine s'avança d'un pas, réduisant la distance entre eux, son regard perçant comme une lame. Victor soutint son regard, mais il sentit ses doigts se crisper légèrement, trahissant une tension qu'il peinait à dissimuler. « Tu sais combien je claque juste pour la protection ?» lança Yacine, sa voix tranchante. « Les gars de la Mocromafia prennent leurs 10%, rien que pour qu'on puisse bosser en paix. » Il s'approcha encore, ses yeux braqués dans ceux de Victor, comme pour enfoncer le poids de ses mots. « Tu crois qu'ils rigolent, eux ? Si on saute une seule semaine de paiement, ils débarquent avec leur calage. Et là, mon pote, on finit tous dans des sacs poubelles. » Le silence qui suivit était lourd, presque suffocant, comme si l'air lui-même s'était chargé de la menace implicite. Victor resta impassible, mais ses doigts trahissaient une nervosité qu'il dissimulait mal. Yacine, qui avait le don de repérer les failles chez les autres, ne laissa pas passer l'occasion. Comme un prédateur flairant une proie, il accentua sa pression. « Et toi, t'as quoi à offrir ? Un labo planqué dans une vieille ferme et deux bricoleurs du dimanche ? Sérieux, on dirait les frères Wesley en version discount. » Son regard se posa sur Mathieu, qui luttait visiblement pour extraire un carton coincé au fond de la camionnette. « Regarde ton gars là-bas. On dirait qu'il va se déboîter l'épaule avant d'en avoir fini. Et toi, tu veux vraiment me parler de répartition équitable ?» Le silence s'installa, lourd, presque suffocant. Victor savait que Yacine avait raison. Son réseau était une machine coûteuse et dangereuse, et la moindre faille dans la chaîne pouvait tout faire s'effondrer. Mais céder si facilement serait un aveu de faiblesse qu'il ne pouvait se permettre. « D'accord, » finit-il par lâcher, la voix posée mais froide. « 70-30. Mais à une condition. On contrôle strictement les volumes. Pas de surplus, pas de fuite. Si ça déborde, on attire l'attention. Et crois-moi, si je tombe, vous tombez avec moi. » Yacine resta silencieux un moment, le scrutant comme pour jauger la portée de ses mots. Puis un sourire se dessina sur son visage, un sourire du prédateur qui savait qu'il avait gagné une manche. « T'inquiète pas, frère. Nous, on joue pas au cow-boy. Chacun fait son taf et tout roule. » Avant hocha la tête, plus grave que satisfait. Il savait qu'il avait cédé du terrain. Mais dans cette négociation, il n'y avait pas de place pour l'ego. Ce n'était pas une victoire, juste un compromis nécessaire. Chaque décision, chaque mot pesé, s'ajoutait comme une pièce de plus sur un échiquier où le moindre faux pas pouvait coûter bien plus que quelques pourcentages. Pour sceller l'accord, les deux hommes échangèrent une poignée de main ferme à la manière des maquignons d'autrefois. Mais Yacine, fidèle au code d'honneur de la cité, ne s'arrêta pas là. Dans un geste empreint de camaraderie et de respect tacite, il attira Victor pour une accolade rapide, conclue par une tape dans le dos. Ce double geste, à la fois simple et lourd de sens, scellait leur pacte, mieux que n'importe quel contrat écrit. Alors que les autres s'affairaient à leur tâche, Victor resta immobile un instant, le regard perdu dans l'horizon. Le deal était conclu, mais il savait que le plus difficile restait à venir. Ce pacte, signé dans une clairière apparemment paisible, portait en lui la promesse d'un succès fulgurant, mais aussi l'ombre d'un futur imprévisible où chaque décision pourrait tout faire basculer. Yacine, toujours pragmatique et confiant, posa une main solide sur l'épaule de Victor, son regard brillant d'un éclat de fierté. « Tu sais quoi, ta majesté? Je te l'avais dit, toi et moi, on va aller loin, et crois-moi, ça c'est juste le début. » Victor esquissa un sourire en retour, mais un éclat d'inquiétude traversa brièvement son regard. Il espérait seulement que ce début en fanfare ne les mènerait pas un jour à l'ombre. Les autres s'affairaient, regagnant leur poste dans une effervescence presque contagieuse. Victor, lui, demeura immobile, absorbé par ses pensées. Son regard glissa lentement sur les murs de la métairie, témoin muet d'un passé oublié, avant de s'arrêter sur la porte blindée. Elle se dressait là, imposante et froide, comme un miroir troublant de leurs ambitions démesurées et des craintes qui les accompagnaient. « Ce n'est que le début, » murmura-t-il pour lui-même, comme pour conjurer le doute. Inspirant profondément, il détourna les yeux de la porte massive. La métairie, malgré son équipement perfectionné et ses allures de sanctuaire clandestin, n'était pas la base imprenable d'un Goldfinger ou d'un Blofeld. Cela restait une forteresse fragile, certes, mais les Poisils d'Avron avaient par le passé défendu des causes bien plus désespérées.